Hop, donc on est parti pour un nouveau débriefing, cette fois-ci du scénario Irminsul, où je suis toujours avec Sylvain et Turiane. Et donc déjà on peut se remercier d'avoir joué ensemble. Oui, merci. Merci. Et puis du coup la première question, vous avez l'habitude, hein, c'est comment est-ce que ça va? Et puis si ça va pas trop, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben non, ça va Là, bien. ça va. Oui. Ah, ça va bien, c'est Oh, exagéré, si, mais ça va. si. Non. Si, si, ça va bien quand même. C'est pas pire. Ah, ouais, on a marché sur un fil. Et ouais, je pense que c'est la partie où on s'en sort le mieux, là, Oui, pour mais l'essai, j'ai ouais. encore tué quelqu'un. Oui, mais c'est qu'un. Ouais, Puis super. il était méchant. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je vais pas regretter non plus. Tu vas pas regretter ton acte. Et toi? Bah moi ça va, ça va, je suis étonné par la rapidité avec laquelle on a traité le truc, là on a fait quoi, deux, on n'a pas tout à fait joué 2 heures quoi, enfin on a fait 2 heures quoi, 2 heures 5, Il y a mis sous dans mais le très dense, speedrun, hein, ouais, le speedrun. on a speedrunné le scénario, Ouais. ouais, après c'est l'avantage aussi de jouer sans mécanique. Hein. Est-ce que toi, t'as pas été frustré? De l'avoir joué vite? Ouais. Bah non, parce que Non? je pense que l'intensité était là, quoi. Je pense qu'on a exploré les thématiques, on a vu vos persos. J'ai l'impression que vos persos ont pu s'exprimer et tout. Ouais, ouais. Ils ont pu progresser. Donc tout ce qui est attendu était présent, quoi. Donc on peut toujours faire plus long, faire du délayage et tout. Mais bon, en fait, non, c'est très bien. Non, je ne suis pas du tout frustré par la durée. Ok, eh bien, oui, du coup, la question suivante, c'est quoi la scène que vous avez envie de nous remettre en avant? C'est moi d'abord? Dis-toi d'abord. Alors, attends, ouais, une scène cool. Attends. C'est pas simple. Juste une scène. J'ai pas jusqu'à dire que c'est ma scène préférée, quoi, mais c'est plutôt que c'est une scène qui est en fait intéressante parce qu'elle fait fusil de Tchekhov, quoi. C'est quand tu décides de façon un peu gratuite, mais tu décides de passer du temps. Donc Erin, tu passes du temps avec Deglingue, le chef des Teknivaliers. Enfin, le chef. La figure forte de Teknivalier, quoi, puis c'est un peu toi qui initie le fait d'avoir un échange avec lui, quoi. Alors bon, lui, concrètement, il cherche à avoir des souvenirs parce que c'est un amnésique, il est en manque, donc c'est un toxicomane des souvenirs, donc tu lui fais un objet mémoriel, puis vous discutez et tout, et du coup ça me permet de bien mettre en place ce personnage, et c'est à ce moment-là qu'il te lâche, en fait, que, ah, les renards... C'est de la bonne came mémorielle, quoi. Il paraît que dans un renard, il y a plein de mémoires, quoi. Et du coup, ça me permet, en fait, de faire fusil de Tchekhov, quoi. Comme ça, pour la scène de fin, où il va justement tuer un renard devant vous pour manger sa mémoire, c'est pas gratuit, on l'a correctement introduit, quoi. Alors, tout en sachant Sachant que que ce qui est rigolo, juste pour finir avec ouais. ça, j'ai pas du tout l'impression que cette scène-là, toi, vous est préoccupée et vous avez vraiment fait attention à plein d'autres trucs Mais pas par ça. ça, Je quoi. rebondissais dessus, Oui. effectivement, vu qu'il y a le mot Oui. renard Oui. qui s'approche de beaucoup de goupil, effectivement, pour Erin, j'en Oh avais absolument rien à faire. Et là donc, d'avoir le fusil de Tchekhov, voire l'exécution finale à la là. fin, ça ne touche absolument pas Erin. Donc, effectivement, j'ai pas fait attention au fusil de Tchekhov, j'ai pas fait attention à la. Absolument pas. Parce que ça concerne, ça aurait été sur un autre sujet, une autre espèce, Peut-être. peut-être. C'est pas. J'étais tellement déçu aussi du fait qu'il a un peu abîmé son. Enfin, complètement, hein, il a fait cramer le Oui. souvenir avant de le siffler, Oui, je pense que que là où t'as choqué Rin, Pour ouais, la c'est façon ça. pourrie, là, Ça m'a déçu, je effectivement, peux pas faire un c'était. objet mémoriel avec de Avec l'amour, des plumes, c'est des ça. plumes de corbeau et tout, et il Voilà. a tout brûlé pour sniffer la Et en cendre. effet, quand il t'a dit qu'il l'avait cramé pour sniffer les cendres, j'ai vu ton regard dire, putain. Le manque de respect à l'artisanat, Complètement. C'est ça. Et voilà. Donc, j'étais très déçu par le personnage de Deglingue. Et et donc, enfin, sur cette scène-là, et qu'effectivement, ils me disent, voilà, je vais... Sur cette scène-là, genre, t'es contente qu'il... J'ai envie de me faire un goupil ou un renard, parce qu'effectivement, il y a de la bonne cape dedans, j'étais hermétique, voilà, à ce qu'il en pensait. Mais c'est marrant parce que... mais bon, ça, pour le coup, c'est tout à fait dans ce qui est espéré dans cette campagne. Je pense que tout au long de la campagne, le degré d'empathie que vous avez par rapport à certains personnages, et notamment vis-à-vis de leur espèce, ça a beaucoup orienté votre regard, et du coup, les trucs que vous avez vu passer, les trucs que vous n'avez pas vu passer, et c'est vraiment... entre guillemets, c'est cette notion d'empathie vis-à-vis de certaines espèces est hyper importante dans les décisions que vous prenez, quoi. Oui. Ouais. Après, le principe de la campagne, il y a, on l'évoquait avant de jouer, il y a quand même beaucoup de choix, je ne vais pas dire qu'ils n'en sont pas, mais c'est quand même que des mauvais choix. Ouais. Et donc, effectivement, tu vas avoir un parti pris à la fin, un prisme en tout cas. C'est ça, oui. Un prisme qui fait qu'à un moment donné, effectivement, tu vas traiter les informations aussi via ce prisme, qui est l'accumulation de mauvais choix. Et ou de rencontres qui sont forcément mal passées. Mais c'est le but, hein, c'est tout à fait le but. Hein. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est intéressant de le constater sur ces scènes-là, par exemple. Même s'il y a effectivement un côté comique de répétition sur la haine de d'Erin vis-à-vis des espèces à poils roux. Ouais, et le pire, c'est que je pense que c'est genre, ça s'est passé... mal une fois ou deux, quoi, vraiment au début de la campagne, et depuis c'est fichu, c'est fini, quoi, c'est et bon, c'était vraiment violent de l'autre côté, c'était crade, des écorcheurs, c'était crade, je me suis pissé sur le sac par une goupille, donc c'était Et vous, terminé, bonsoir. C'est quoi votre scène fétiche? Moi, c'est quand je suis partie avec Lézarde dans la forêt, sous les yeux désespérés d'Erin. Il se disait que j'étais perdue. Hein? Oui. Et puis d'avoir eu tout le déballage sur l'idéalité, enfin l'idéal, de leur société, des Amazonards, de leur mode de vie, etc. Et puis à me proposer le bien-être, on se pardonne tout, et où je dis juste non. Est-ce que dans la rubrique spoiler, est-ce que tu as envie de savoir c'était quoi la suite de son enseignement si tu avais accepté? Ouais, je veux bien savoir. Alors, je me suis dit que potentiellement, ça pouvait être soit, franchement, je me suis dit que soit je pouvais passer vraiment sous influence et j'aurais plus trop le choix, en fait. Une sorte d'attirance encore plus prononcée. Je serais devenue concon. Bon. Ou alors, je me suis dit qu'elle m'aurait juste enseigné le truc et puis, non, il se serait rien passé. Alors, son enseignement était hardcore, en fait, parce que l'étape 2... Oh, surprise ! L'étape 2, c'est qu'il fallait aller voir un charnier de vaches mortes pour s'habituer à la vue de la mort. Alors non, ça, j'en ai déjà l'habitude. Et ensuite, il fallait assister à un massacre et se montrer insensible, en fait, retenir ses émotions et tout. Pour être insensibilisé à la mort et tout, et ne plus avoir peur de tout ça, quoi. Ouais, c'est ça qu'ils appellent le stoïcisme. Oui, c'était une version ultra dark wave du stoïcisme. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas le stoïcisme alpha du tout. Ouais, c'est ça, c'est du stoïcisme de type 2. Exactement. Okay. Voilà, c'était ce petit programme que tu avais prévu. Le massacre devait servir à ça, en fait. Ouais, pour que tu te galvanises, quoi. Ok. Voilà. Après, t'es prête à affronter la vie. Et toi, alors, ta scène préférée? Ma scène préférée, je pense que c'est une scène entre nous, où j'ai pu exprimer ce qu'Erin ressentait. Pas dans le sens, je pense que je suis sorti du dernier scénario en colère, parce qu'effectivement, je m'en suis encore fait, enfin, depuis la rencontre, en tout cas avec Shumigurat, elle est en colère et martyrisée, et du coup en colère d'avoir été blessée et de manière continue, en fait, depuis un certain nombre d'épisodes. Mmh. Et je ne veux pas prédire ce qu'elle va devenir, mais je pense qu'elle est prête à passer de l'autre côté sciemment, tellement elle est en colère. Et qu'elle peut peut-être définitivement switcher. Volontairement. Et non pas parce qu'elle va acquérir un pouvoir qui va la transformer, etc. Mm-hmm. Mais le fait de devenir sciemment quelqu'un avec une posture et une volonté qui fait qu'on va arrêter de l'emmerder. Ouais, moi je pense qu'on peut lui faire un dessin. Elle se contente de faire du ping-pong et de renvoyer la balle. À un moment donné, elle va peut-être passer à l'attaque. C'est pas grand-chose, mais je pense qu'il y a un petit aperçu de ça. Quand il y a le scientiste qui t'a demandé « Oui, il faut qu'on t'en aille à la cage d'armes », je lui ai dit « Ta gueule ». Oui, ta gueule. Bon, non, c'est fini d'être poli, quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. C'était marrant. Ouais, il était bien surpris, là. Et ouais, je pense il que est mort c'est... 2 minutes après. Oui, je pense que c'est... Il n'a pas écouté. Je pense que c'est cette discussion-là où tu n'as absolument rien à faire, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on t'agite un chiffon avec marqué pouvoir et tu cours derrière, donc tu es absolument sourde à ce que je peux exprimer. En tout cas, ce que Néné est sourde à ce que Erin peut exprimer en termes de désir, parce qu'effectivement, on est sur des désirs opposés. Mmh. Et vraiment contraire, et c'est assez marrant à jouer. Voilà, je pense que c'est une scène. J'ai bien aimé entre nous, effectivement. De manière ouais, parce globale, que l'interaction. Les interactions que j'ai pu avoir, qu'Erin a pu avoir avec Néné, avec les autres, ça a assez vite saoulé Erin. Donc c'est pas quelque chose que je retiendrai, peut-être. Ouais, on n'a pas trop, discuté là-dessus, mais c'est vrai que du coup, Néné, en tant que sorcière, t'es censée régulièrement rechercher du pouvoir et ou maléficier des gens, en fait. Et on peut se demander aussi à quel point ça influe pas effectivement sur tes tropismes. Mais est-ce que t'as accepté l'invitation de Lézard de la suite dans la forêt parce qu'il y a une sorte d'appétence à l'initiation, en fait? En tant que nouvelle sorcière, le simple fait d'être invité à des initiations, c'est quelque chose qui est sans doute désirable pour les sorciers, quoi. Alors j'y pense totalement après coup. Hein. J'avais pas ça en tête au moment où on l'a joué. Ouais. J'y pensais avant, je la voyais. Il y a aussi la possibilité que c'était juste de l'enquête et que tu l'as suivi parce que vous vouliez avoir plus d'infos sur les Amazonards. Je suis à côté de Turian, je la vois avec l'œil qui pétille. Hein. Je sais quand est-ce que c'est de l'enquête, je sais ce que c'est quand. Non, je voulais savoir. Je voulais savoir quand même. Oui, c'est ça. Oui. Quoi, ça consiste? Oui, c'est ça. J'ai dit non. Oui, je prends des infos. Oui, parce qu'on a une fille ensemble, sinon je pense que. Bien. Ouais, mais du coup, c'est quand même pas mal aussi que vous ayez justement le. On la joue pas beaucoup, la fille. Non, mais elle est toujours là derrière. T'as toujours la question de qui s'en occupe, et puis c'est toujours effectivement en tâche de fond de. Dans vos décisions, vous en tenez compte, essayer de prendre la décision qui met le plus en sécurité l'enfant et tout. Donc, je trouve que ça équilibre beaucoup le groupe qui est cet enfant. Là. J'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir échanger avec Zephyroth, qui est l'ombre que tu as créée, hein, donc moitié Orla, moitié Korax, double de moi que Néné a construite. On a pu la développer un peu. On a développé un peu, effectivement, elle était totalement à côté de la plaque, elle a totalement énervé Erin. À côté de la plaque pour toi ? Pour Erin, elle était complètement à côté de la plaque. Pour Erin, parce qu'elle était vraiment orientée, c'est super ce qui se passe ici. C'était très marrant à jouer, alors qu'effectivement, Erin et les autres doubles Orla que tu as pu créer, effectivement, en tout cas, j'avais jamais eu moi d'interaction avec entre personnages. C'était vraiment tes ombres et n'est pas du tout, effectivement. C'était mon nom. Là, c'est mon double. Oui, tout à fait. Mais elle n'est pas allée dans ton sens. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on m'en doutait qu'elle n'était pas de... Dans le registre des spoilers, est-ce que vous voulez que je vous spoil un peu plus c'était quoi la fameuse cérémonie après? Ouais, j'aimerais bien savoir. Oui, ouais. Bah, du coup, voilà, c'est zone spoiler. Zone spoiler, attention, ouais. Bon, grosso modo, l'invitation, inviter les gens, ça avait un double rôle, mais ça, vous l'avez dit, les Amazonards, hein, le double rôle, c'est que c'était... Ils farmaient quand même de l'égrégore comme ça. Ouais. Donc fermer de l'égrégore première et petit 2 essayer de recruter de nouvelles Amazonardes. Pourquoi recruter de nouvelles Amazonardes? Parce que leurs effectifs en fait déclinent à chaque cérémonie, parce que la cérémonie intime en fait, une fois que les étrangers sont partis et tout, c'est que certaines des Amazonardes acceptent de devenir des dryades et d'incorporer en quelque sorte Irminsul. Ouais. Et c'est ça le pacte en fait. Le pacte qui est fait avec Irminsul, c'est qu'il y a une partie des Amazonardes chaque année qui elles sont consentantes. Ouais. Comme quand on est consentant dans une secte. Ah là, je vous laisse avec un arbre démon. Je laisse vous faire votre propre opinion. Ouais. Et du coup, quand elle vous disait, nos effectifs sont stables, on recrute, mais en fait, parce qu'on chaque année, on perd des. Alors il y a des morts naturelles, il y a des choses comme ça, il y a des accidents, il y a des meurtres, mais il y a aussi quelques Amazonardes qui deviennent des dryades chaque année. Du coup, c'était vrai que. S'il y a des gens qui étaient prêts, des étrangers qui étaient prêts à intégrer, mais qui finalement ils changeaient d'avis, on les laissait bel et bien repartir, mais il fallait qu'ils oublient. Oui. Ouais, c'est ok. Alors, mais quel que soit le niveau de promotion, c'est une discussion qu'on a eue tout à l'heure, quel que soit le niveau de promotion, c'est quand même le moins pire des coins dans lequel on a été, je suis désolé, c'est quand même un rejeton de Choubni-Gourat qui fait. 150 mètres de haut, qui est planté en plein milieu des bois. C'est spéciste. Non. Oui, mais je... Rien est spéciste. Je vous dis ça. Voilà. Ok. Et du coup, dernière phase là, de notre débrief. Donc, il va nous rester deux séances. Enfin, deux scénarios. Peut-être qu'on arrivera à les faire en deux séances. Peut-être que ça s'étirera, j'en sais rien. Quoi. Bon, pour le moment, on tient bien le scénario en une séance. Donc voilà, on est quand même très proche de la fin maintenant. Du coup, comment vous voyez l'évolution, soit au niveau de votre personnage, ou soit au niveau des scénarios, de la maîtrise Moi, je me dis qu'il faudrait peut-être que j'aille un peu plus sur le côté sorcellerie. Ouais. C'est bon, voilà. Là, j'ai récupéré des pouvoirs. Peut-être que. Mais c'est autre chose, t'as encore maléficié personne, ouais, on n'a pas géré ça. Ouais. Ouais. On a fait d'autres trucs, hein. Bon, t'as fait une ombre, Il y a les Zéphirotes, mais j'aimerais bien aller sur ça. Je pense qu'Erin a juste envie qu'on lui foute la paix. Donc en termes d'évolution, c'est plutôt vers ça qu'elle va. Alors ça reste, non mais ça reste. Ça alors reste ça, du... c'est j'ai alors du mal à te. Ça reste du. Je sais pas si je vais pouvoir t'offrir ça tout de suite. Tu me demandes mes désirs. Ouais, j'ai pas dit que c'était réalisable. Enfin, potentiellement après, je veux pas comment. Faire le forceur en nous envoyant pour Corbel. Il y a une promesse de retraite à la fin de la campagne. C'est-à-dire que. Ouais. C'est pas obligé que ça finisse en mort de votre personnage ou en truc horrible pour votre personnage. Il est possible qu'une fois que la campagne soit finie, vraiment vos personnages, vous pouvez les mettre à la retraite. Quoi. Donc il y a quand même une lueur au bout du tunnel. Après, bon, il y a plein d'inconnus. Quoi, mais... Vivre heureux jusqu'au bout à avoir Juliette grandir. C'est ça, oui. Prendra son envol. Elle mourra à l'âge de 10 ans. Flingué par un chasseur de sorciers qui viendra te chercher. Arrête, c'est Ah oui, bah si, j'ai quand même une question. Du coup, j'espère que ça allait le côté. Du coup, c'est quand même le scénario qui tourne autour du féminin et qui manipule quand même certaines choses un peu. Qu'il faut pas. Oui, voilà, ouais, c'est ça, il y a plein de... Bon, j'espère que la thématique n'était pas trop compliquée à gérer, Non, ou non, pas trop non. mal gérée de ma part aussi. Ouais. Non, là, je n'ai pas offert ni homme, ni femme, ni corax, ni goupil. Ils ont des comportements de. Excusez-moi, vous mettrez les bips pour couvrir mes paroles. Ouais. Ils ont des comportements de trouducs. Ça n'a rien à voir avec leur espèce ou Ça leur sent. genre ou leur. Voilà. Un trou du cul, ça n'a pas de genre. Je suis décoloration. Pardon. Non, non, moi, ça ne m'a pas posé de soucis. Je me suis dit qu'il y avait un côté ouais, très sectaire dans l'approche où Chez les c'est, ces ouais, où Amazonardes, c'est très séduisant. Et en effet, c'était vraiment tentant aussi pour Néné. Y a pas, j'y suis pas allée que pour une histoire de pouvoir ou d'initiation qui pourrait m'apporter un truc. Il y avait quand même un vrai truc. Bah ouais, ça. Merde, mince, il y a peut-être un endroit où ça pourrait être bien. Ah, mais je me dis que Erin, Ouais, c'est ça. elle doit être vigilante pour 4, parce qu'effectivement. Mais j'ai dit C'est, non, mais c'est vrai, c'est ça. Non, mais J'ai c'est dit pas non, toi c'est et c'est vrai. pas. Ouais. Mais Et c'est pas ouais. Zéphiroth, donc, et puis c'est pas Juliette, donc. Néné, elle a été quand même tentée un peu Tenter par un petit ça. peu, bah oui. Ouais. Absolument pas, jamais, moi. C'est non. Ah bah non, Après, je vous c'était une promets que pudeur dans les mutilée. Amazonardes, personne ne piquait le salaire des autres ou ce genre de choses. C'est ça. Quand Pas de Zéphiroth nous a pratique fait sectaire du le débrief de qu'est-ce que c'est que la voix du bouc quand on Ouais. aura là, on a eu droit à une Ouais. petite genèse du Ouais. monde selon les Orlas. Ok. Va falloir qu'on lui parle quand même à Zéphiroth parce que j'ai le mauvais côté. C'est hors de question que. Que Bah, ça continue comme ça. loin de moi l'envie de te dire comment tu dois éduquer là voilà, du coup Ouais, c'est sûr que enfin ta d'après fille qui me ressemble c'est un peu ouais. bizarre hein, mais ça Pour Zephyroth, grosso modo, les humains ou les Korax, c'est juste des Orlas dégénérés, quoi. mais C'est des sous-Orlas, quoi. ça me saoule. C'est voilà, c'est la branche molle des Orlas, quoi. Bien, ben ouais, est-ce qu'on a fait le tour des évolutions Oui, Ouais, ouais, il n'y a pas d'évolution chez Erin. Elle est toujours Oui, c'est parano. ça. Après, tu as fini avec un choc mental supplémentaire. Oui, Oui, c'est c'est ça. vrai, ouais. Alors, j'ai noté des choses Oui, intéressantes. dans les marges. Ah non, les marges. Tout à fait. Ceci est un arbre de merde. Est-ce que je deviens parano? J'en ai marre qu'on me prenne pour une conne. Ah, personne n'a cherché à te manipuler, on a fait l'impression. Voilà, pour une fois, c'est mis à l'écrit et que voilà, j'attends avec impatience le fait que ça y est, elle va passer la seconde parce qu'à un moment donné, je pense que elle choisira les armes avec lesquelles elle va se battre. Bon, après, le prochain scénario devrait être une étape très très cosy et chill. Je pense que vous allez pouvoir vous poser un petit peu. Ah ouais? On va essouffler. J'y J'y crois. crois à mort. Eh bien voilà, bah on peut se remercier pour ce débrief et puis on se retrouvera la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Merci. Merci.